La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je te parle de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Là, c'est... Franchement ! C'est à moi. Je suis ma reine, la bonne fée. Bon con, bonne conne, chers amis auditeurices, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Aujourd'hui, avec l'arrivée du soleil et les thermomètres qui frôlent les 22 degrés, j'avais envie de vous parler de films que je nommerais « films d'été », afin de nous donner un petit avant-goût de cette saison. Parce que le confinement nous a privés de notre printemps, à l'instar du film hitchcockien « Pas de printemps pour Marnie », parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous Marnie, mais nous sommes aussi mardi, film d'été. C'est mardi ! En numéro 1, forcément, comment ne pas évoquer « Contes d'été » d'Éric Rohmer. Ce film, réalisé en 1996, fait partie du cycle des contes des 4 saisons d'Éric Rohmer. Donc, si vous êtes d'été, vous pouvez aussi vous faire l'automne, l'hiver et le printemps. Il n'y a plus de saison en confinement. Le film raconte l'histoire de Gaspard, jeune étudiant rennais campé par Melville Poupeau, en vacances entre Dinard, Saint-Lunaire et Saint-Malo, et en proie à des interrogations profondes sur ses amours, ses désirs, son lui-même. 3 filles, une confidente, une introspection dans l'air breton, le son de la mer et des chansons. Et si vous voulez aller plus loin dans le thème Rohmer en vacances, vous pouvez enchaîner sur Pauline à la plage. On quitte les plages bretonnes pour les côtes normandes, et on suit la jeune Pauline en vacances avec sa cousine Marion, qui n'est autre qu'Ariel Dombal, et qui rencontre plusieurs hommes, Pierre, Henri et Sylvain, avec lesquels naîtront plusieurs intrigues relationnelles. Je ne vous en dis pas plus, et pour les spécialistes de Rohmer, le témoignage d'Ariel Dombal et d'Amanda Langlette sur le tournage de Pauline à la plage est disponible en podcast sur le site de la Cinémathèque. Clin d'œil à mon bébé Juliette Hamon, à qui je pense très fort. Je ne doute pas que tu as déjà dû te refaire tous les Rohmer pendant ton confinement parisien, et espère que ceux-ci t'ont apporté quelques rayons de soleil. Et j'en profite pour embrasser mes amis confinés à Paris, qui sont toujours dans mon cœur, et aussi mes amis de Paris confinés ailleurs, soyez forts les kikis. Oh yeah ! En numéro 2, je vous suggère un film que j'ai dû voir il y a 10 ans, mais qui m'a marqué à jamais, L'été où j'ai grandi de Gabriele Salvatores. Cette fois-ci, l'histoire se passe dans le sud de l'Italie, et nous accompagnons Michele, un garçon de 10 ans, qui joue à avoir peur avec ses copains. Sauf qu'un jour, au fond d'un trou, Michele va découvrir un terrifiant secret. Et croyez-le ou non, ce film maîtrise tous les codes de la peur au cinéma pour réellement nous donner des frissons en pleine fournaise italienne. Il est super, et je vous le conseille vivement. Oh yeah ! En numéro 3, on reste sur l'Italie, en Lombardie, durant l'été 1983. Je veux bien sûr parler de Call Me By Your Name, réalisé par Lucas Guadagnino et adapté du roman éponyme. Dans le film, on suit Elio, un jeune italo-américain de 17 ans, joué par Timothée Chalamet, et qui passe ses vacances avec ses parents polyglottes et intellectuels. Le père est archéologue, la mère est traductrice. La petite famille, talentueuse et raffinée, est rejointe par Oliver, 24 ans, venu aider le père d'Elio dans ses recherches. Mais des sentiments troublés et des émotions nouvelles vont naître entre Elio et Oliver, un super film plein de sincérité dont les couleurs chaudes et les musiques composées font voyager, petit extrait de la bande originale dont on peine à se lasser. See without my eyes the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, a white noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Blessed be like a Phaistian who died. Avant de nous quitter, je vous propose un petit jeu concours. Comme ce soir, c'est la super lune, citez-moi un film où il y a une pleine lune de malade. Le gagnant recevra une photo d'une lune aléatoire. Peut-être la mienne, peut-être celle de mes colocs, peut-être celle d'Amel Bent. L'avenir nous le dira. Je ne suis vraiment pas assidue sur les prix de mes jeux concours, car croyez-le ou non, j'ai pas le temps. Mais tout vient à point à qui sait attendre, comme dirait le poète Maître Gims. Tout vient à point à qui sait attendre. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos lunes, mais aussi de vos soleils. Si vous n'avez pas l'occasion de prendre le soleil, prenez de la vitamine C et D. En tout cas, vous êtes tous mes soleils, donc restez des soleils et restez branchés sur Radio Boncon, la radio des Boncons. La chronique cinéma. Tu deviens complètement con ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin... Lutin, malin, pestil. Waouh. Je la veux encore. Ça ne doit plus arriver. C'est partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver. Franchement.